tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. Salut à toutes et tous, c'est Manu. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Rock Alternatif Show. Ce soir, émission un peu spéciale puisque nous allons nous éloigner des styles musicaux habituels pour retourner en adolescence et revivre l'âge d'or du hip-hop, les années 90. Mais avant d'attaquer et de rajeunir de 25 ans, je vous propose l'exclusivité de la semaine. En effet, à l'ère du tout numérique, le trio franco-américano-espagnol Slim and the Beast se présente comme un pont musical entre sonorités vintage et productions contemporaines. Composé des jumeaux Samuel et Aaron López Barrantes et de Aurélien Hamzalag, le trio aux influences folk, soul et rock'n'roll des années 60 et 70 associe cet héritage musical à son goût pour des productions résolument modernes et donne naissance à des compositions riches en harmonie vocale, mêlant guitare acoustique et sons électroniques. Entouré de producteurs de talent comme Irfan, qui officie du côté de Breakbot, et Yann Gorodetsky, qui collabore avec Gush, le groupe sort demain son premier EP garni de 6 titres, comme autant de reflets de l'aventure musicale onirique des trois garçons à travers le monde. Un EP, prélude à un premier album que nous attendons impatiemment. D'ici là, je vous propose de partir en voyage avec eux, et le single Lisbonne, suivi de deux inédits, qui sortent donc demain, Pasadena et What It Is. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement notre ami Fred Lombard qui nous permet de vous proposer cette belle exclusivité. Allez, trêve de bavardage, partons sur la route avec Slim and the Beast. We'll be right back. face on every train. A thousand miles away, something's lost but something's gained. Come back again. Said you're going to Lisbon. Say you're coming back again. Said you're going to Lisbon. When will you come back again? Said you're going to Lisbon. Say you're coming back again. Love that I've been missing. Summer days will never. Pasadena, Pasadena, Pasadena. seen so many come and go. One thing I remember is the way they said goodbye. While I stayed behind, find a way to free these words from one way conversation. Two sides of a truth in words I cannot say. Ooh, it makes me wonder. Ooh, what it je contrôle d'ailleurs, je suis déjà au volant de ma caisse direction les abeilles. Oh,

Nous allons maintenant enchaîner avec le fer de lance du rap East Coast dans les années 90, The Notorious Big et son Big Papa. Assassiné par arme à feu le 9 mars 97 à Los Angeles, le rappeur originaire de Brooklyn est encore à ce jour l'un des rares rappeurs américains à détenir 3 albums certifiés disques de diamant. Nous enchaînerons ensuite avec un autre mastodonte du rap East Coast en la personne de Nas et son fameux New York State of Mind issu de l'album Illmatic en 94. Nous poursuivrons avec un titre que vous connaissez forcément. En effet, lorsqu'il sort Break Your Neck aux confins du 21e siècle, Busta Rhymes est déjà une star outre-Atlantique. Actif dans le milieu du rap depuis 89, il a collaboré avec les plus grands de A Tribe Called Quest à Notorious B.I.G. Seulement un an après son opus à succès Anarchy, il publie Break Your Neck, deuxième single publié sur l'album Genesis. Si le titre avait déjà été remarqué au cœur de l'album, c'est lorsque le clip arrive, 2 mois plus tard, que le morceau prend une dimension énorme. Pour se lancer, il commence par ce gimmick devenu légendaire, « Give it away, give it away, give it away now », entonné avec une assurance déroutante. Un hommage au groupe de rock Red Hot Chili Peppers dont il est un très grand fan. En 2019, Break Your Neck continue de tourner dans les soirées et de retourner les cerveaux des amateurs de hip-hop. Le flow, la voix et la personnalité unique de Busta Rhymes étant intemporels, nul doute que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Nous terminerons ensuite avec une institution, Cypress Hill et son Insane in the Brain. Un titre que l'on a beaucoup chanté et pour cause. Il s'agit là d'un véritable tube. Extrait de Black Sunday, le deuxième album du plus célèbre groupe latino de la sphère hip-hop depuis la fin des années 80. Avec Black Sunday, Cypress Hill devient le premier groupe de rap latino numéro 1 du Billboard américain. Et pourtant, avec ce titre, Cypress Hill règle ses comptes, notamment à Chub Rock, qui un an plus tôt se moquait de leur flow nasal. À noter que depuis 6 mois, Cypress Hill est le premier groupe de rap latino à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. Une bonne occasion de les écouter donc à nouveau. Et ça tombe bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Oh. Oh. Check it out. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. What? The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can run. Rendezvous at the bar around 2. Plans to leave, throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Gon' fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? True. Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. to the honeys, getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. How you living, Biggie Smalls? In mansion and Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money holes and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure, so grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Check it out, now I'm full shit for that ass. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby. Yo, Black, it's time. Word, it's time, man. It's time, man. Alright, begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap, where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See, with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the beat flows. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway. Or either on the corner, betting grants with the CeeLo champs. Laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever. My niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution, catch a body head for Houston. Once they caught us off guard, the Mac-10 was in the grass. And I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, told brothers back up, the Mac spit. Lead was hitting niggas, one ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook, couldn't look. Gave another squeeze, heard it click. Yo, my shit is stuck, tried to cock it, it wouldn't shoot, now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby, and it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners in broad daylight, stick up kids, they run up on us. 4-5s and gauges, max and facts. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, is a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state. That I'm a gangster, drinking Moet's, holding texts, making sure the cash came correct. Then I step investments and stock, sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is grays, each block is like a maze full of black rats trapped. Plus the Allen is packed. From what I hear in all the stories, when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life, rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau through rap slow. My rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep, like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Check it out. See, the only thing you need to do right here is just nod your fucking head. Yeah. Yeah. Break your fucking neck, bitches. Yeah. Yeah. Here we go now. Where we going now? Where we going now? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away, nigga. Talk to me, you look like you can really give it to a nigga. From the way you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the guard. Doing it like I never did before for me, the way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me where my niggas is at. Okay. Let me bless y'all niggas one time when I lock it down and I hit you with that. That bomb shit, y'all niggas know all day we be making it drop. Y'all niggas know every time we come through this motherfucker, we be always taking a ride. So let me blow this bitch. Y'all niggas know when we come, we be making it flop, the way we making it hot, to make a nigga wanna stop. Get cash that check for me. All my niggas just bust your check for me. Everybody from every hood, bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me give you real street shit to rap in your shit with. We clap your seat, we wild this heat. Keep bouncing up and down these streets. So nod your head and break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Bang your head until you start to break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck. Come along now, let's put it down, nigga. And you know what, I done caught my breath. Y'all niggas all know how we do when the way we bang niggas in the head and we do it to death. Reach for them back, wood in the fire, boy. You know we're baking an ounce. I know you love the way we be giving you the music, making you bounce. I fuck it up just a little for my niggas. Every time we come through, niggas know that we did it for y'all. Uh-huh. And the way we do it for the people, niggas know that we always give it to y'all. I said bounce. Come on. In the daytime or the night, when you keep on alone, we just bang this shit up in the truck while you break your nigga. Motherfuckers try to fake my flow. See the way we come right through. When we come right through, we be always blowing the spot again and again and make a nigga really wanna stop. Better tell your crew, your peeps, so my niggas better put their troops on. And gather up your soldier, niggas, you know you better keep your boots on. All my niggas in the place, ayo, wave your hands high now. And the way we put it down, make a nigga wonder what he really gonna try now. What you really wanna do, just place your bet and put your money where your mouth is. All my niggas in the street, just break your neck and keep on bouncing. Just let me give you real street shit to rap in your shit with. We clap your seat, we wipe this heat, keep bouncing up and down these streets. So nod your head and break your neck. Until you start to break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck. Here we go now. And you know every time bust a bus be holding a fork, my nigga.

Wow, ça fait toujours autant de bien. C'était Insane in the Brain de Cypress Hill. Nous allons passer de l'autre côté des États-Unis avec le rap East Coast du Wu-Tang Clan, dont les 9 membres sont originaires de Staten Island et Brooklyn. À l'origine du groupe sont RZA de Staten Island, JZA et All Dirty Bastard de Brooklyn. Passionnés par la musique soul de leurs parents et par la culture hip-hop omniprésente dans le ghetto de New York, ils créent ensemble une première ébauche de groupe, All In Together Now, qui ne connaîtra aucune suite. C'est à cette époque qu'ils s'inventent leurs premiers alter ego, RZA est le scientifique, JZA est le genius, le génie, et All Dirty Bastard, le spécialiste. De son côté, RZA s'autoproduit sur un single au ton léger qui ne marchera pas en 1991 sur le label Tommy Boy, Oh We Love You Rakim. Le titre que nous allons écouter, Gravel Pit, est un single tiré de l'album The W sorti en 2000. S'il n'a pas atteint le niveau de popularité de titres comme Cream en 93 ou Uzi Pinky Ring en 2001, il a cependant été largement diffusé en radio et s'est classé en bonne position au classement des vidéoclips américains pendant plusieurs semaines. Il se hisse notamment à la 6e place du top 40 au Royaume-Uni. Nous poursuivrons ensuite avec une autre légende du rap US, le Straight Outta Compton, premier album studio de NWA, sorti le 8 août 88 sur le label Ruthless Records. Intégralement produit par Dr. Dre et DJ Yella, cet album marque un tournant dans l'histoire du rap, introduisant et popularisant le gangsta rap. Il est considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands et des plus influents albums de l'histoire du rap, il a eu un impact important sur l'évolution du hip-hop outre-Atlantique. Il s'agit aussi de l'unique album du groupe sorti avec l'intégralité de ses membres, Ice Cube et Arabian Prince ayant quitté le groupe en 89. Le reste des membres sortiront le deuxième et dernier album du groupe 3 ans plus tard, en 91, avant de se séparer. À sa sortie, le disque connut une vive controverse, notamment à cause du titre « Fuck the Police », dans lequel le groupe dénonçait le racisme et la violence des forces de l'ordre de Los Angeles. À noter que 2 rééditions sont venues jalonner l'histoire de ce disque, dont une avec 4 inédits en 2002. Le 11 novembre 2015, il fut certifié triple disque de platine, comptant plus de 3 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Nous terminerons enfin en retraversant l'océan Atlantique pour redécouvrir le groupe du frère d'un acteur culte du cinéma français. En effet, la genèse du rap français se résume souvent à 6 lettres, NTM et IAM. Entre les deux, on oublie parfois Assassin, célébré depuis par une compilation idéale. Plus militant que NTM, moins accessible qu'IAM, le collectif parisien a vite dépassé les habituelles thématiques du genre. Emmené par Rockin' Squat, alias Mathias Cassel, fils de Jean-Pierre et frère de Vincent, le groupe a toujours choisi d'argumenter son propos à coups d'exemples, de dates, de noms propres destinés à enfoncer le clou d'un discours radical sur l'écologie, l'esclavage moderne ou les bavures policières. Derrière ces prises de position sans concession, visage masqué sur les photos, pas d'apparition télévisée, Assassin a signé quelques classiques comme Shoot à Babylon, L'Odyssée suit son cours ou Underground Connection que je vous propose d'écouter tout de suite comme une page d'histoire du rap français. 1, 2, 1, 2, check this out, it's the jump board right there. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the pit, the gravel pit. Leave your problems at home, leave your children at home. We're gonna take it back underground. I be Bobby Bowden, Wu-Tang Clan on your mind one time. It's the jump off, so just jump off, my nigga. From the land of the lost, behold the pale horse, off course. Follow me, Wu-Tang gotta be the best thing since Starks and Clark Wallabies. African killer bees, black watch. on your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house on Haunted Hill. Every time you walk by, your back get a chill. Let's build, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom. Baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people gather round, count down to apocalypse. I'm the kid with the golden arms. And I'm the motherfucking hot Knicks. Pass the blunt. My nigga, don't front. You had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croak in from overdosing. Hey kid, walk straight when the map got you open, hope let's ride. Can't stand niggas that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Kid wanna get up, then can't get touched. Kid wanna stick up, then can't get stuck. I'm the one that calls you bluff when your boy try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll fuck your ass up. Now listen, back and forth. Check out my gravity. Back and forth, back all the story unraveling. As we go, back and forth, back and forth, back and forth. Don't go against the grain if you can't handle it. As we go, eat with the English, extinguished styles, extremists. Forehead beamers run wild as the kid with the gold cup. Stepped out like what? Was popping in y'all niggas, dope or blasting. Shay, shay, chocolate, saute. Rich Kellamox, rock those all day. 1960 shit, I'm Goldie. That's right, motherfucker, don't hold me. The world's greatest, Las Vegas, paid as rock. Skin painted on my face, look ageless. Perfect combos, ghost bang out condos. Jet from Homo, X, we bong those. Bank rolls, stank holes in plain clothes. Change those, bang those, same old, same old. Yeah, y'all, straight up, this the jump off right here. The grapple pit. Word up, representing rockin' boulders. All my rich gangster style chillers. Y'all know what time it is. Shorty, do your thing. Get up on that right now, boo. Do you? Yeah. That's what I'm talking about. Step to my groove, move like this. When we shoot the gift, of course it's ruthless. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the tech, salute this. Executing, shaking all sets. And now I'm breaking all hex, I'm taking all bets. Move on best, who want the drum next? You won't stank, we got the bigger bank. Bigger shank to fill your tank. Still the same kill for real, ride your crank. Slide, do or die, fry the bait. Admire the grades, on fire with a heart of hate. Bit of shark, every part I take. Heavy darts to quake, it's okay, all fakes. Get caught by the drop kicks. You know the thrill, yes, it's Park Hill. Yo, we hit him with the hot wrist. On the go, check the flow. Singing woo, don't rock shit. Stop quick, hold the gossip. Stop sweating my pockets, I hear the hot shit. Back and forth. Check out my gravity. Now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me. Off your ass, that's how I'm going out. Straight out of Compton, another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'm a man. make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I'll find a good piece of pussy and go up in it. So if you're at a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to. But that shows me slut talking post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. MC Ren controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Not a right hand, cause I'm the hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum, and that's a law. R-E-N spells Ren, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip, straight out of Compton. Compton, Compton. Easy as his name and the boys coming. Straight out of Compton is a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me it's kinda funny, the attitude show a nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling. Looking for the one they call Easy, but here's a flash that never sees me. Ruthless, never seen like a shadow in the dark. It's like when I unload, you see a spark and jump over a hesitation. And hear the scream of the one who got the lead penetration. Feel a little gust of wind and I'm jetting. Believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch you got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E. And if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker, straight out of Compton, Compton. It's got to be copacetic. One time, yo, they'll never get it. Yeah. While some choose to use, yo, the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Under makes me wonder, feel the thunder, lightning, vibrations for one nation. Supernatural black individuals that will get lyrical. I come in to make the crowd go hysterical. With spiritual lyrics as I kick these frees, I sit back with the brothers, Paulette, hit the trees on the corner. In ciphers, I'm the Pied Piper, lyrical sniper, getting busy, there's no one hyper. Who is it? I'm causing the blizzard with these lyrics. Me and Rock and Squat, we come to blow up the spot. Is you is or is you not my B-boy? I kick these lyrics as I start to break and destroy. Any batty boy MC that wants to battle with my lyrics rattle, I saddle you up just like you were cattle. Come on, make these rhymes start to move. Teleport to a different planet, black and too smooth. Don't stop, did it when I start to kick it. Nobody could understand that supernatural is wicked. You've been evicted from this song and sector. Who is the one that gets busy like Hannibal Lecter? Supernatural, check this shit out. Tes mains comme un chapeau sur le tubi, le homeboy. Soit c'est du citron, la langue de Molière prisonnière du ciment, traversant les océans sans perdre de son élan. Yo, for those who don't understand a word, take a dictionary is the same cold world. Alors accroche-toi quand assassin est là. Le rap redevient le média traqué par les polices de défense de l'état. Un maximum de réflexion anime cette connexion. C'est bien connu quand une chanson puise son inspiration dans le malaise des bas-fonds, ça devient de la formation. Et l'information n'est bonne que quand elle sert les intérêts de Babylone. C'est le duel du fond sur la forme, du crayon sur la gomme, de l'enfant face aux hommes. Alors, dans l'impalpabilité des probabilités, je donne une vision aiguisée qui n'a un sens que si on avance en suivant le balancement de chaque son qui danse. Du South Bronx jusqu'à Paris en France. While some choose to lose the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to live with the underground connection. While some choose to lose the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Transform, roll out, supernats about to go for another time. about. I get busy with these lyrics when I'm dropping my rhymes. Don't step too swiftly, I have landmines. Embedded, hesitant to kill the government. Step into the White House, assassinate, leave no evidence. Fly, brother, straight towards the sky. Kick real hip hop black, it will never die. They want to take it away, don't wanna put it on a record. Don't wanna put it on wax, but I bring the facts. Oh, there's a whack b-boy in my sector. Eject tapes, there will be no escape. Supernatural has come to take all the pace. I freestyle, leaving MCs embarrassed. An alien has landed in Paris. So tell me, my friend, how you feel today? Look out your window, the French folk is here to stay. En effet, c'est un fait, si les rimes restent lucides, il n'y a pas de raison que le public ne reconnaisse pas le style wicked. Wicked, wicked, wicked. Quoi? Tu ne savais pas que les vents étaient là pour veiller sur les voix qui émanent du monde froid. Crois en toi, avant de croire en qui que ce soit. Le micro est une arme et l'esprit est une fable. Boom, bye, bye, trop de MC sont passables. Stéréo, c'est un duo, pas une démo. Underground connection pour comprendre le niveau. L'enjeu d'association comme celle-ci. La musique unifie les esprits qui ne sont pas encore trop pourris. Sur ce, j'ai fini. While some choose to live, yo, the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Pamphlet, I have my microphone equipped, all with the quips coming with some next type idiotic shit. Supernatural grabs the mic and I was bound to flip. See, the government wants to put the computer chips in your hand. Want to give your mind brain scans. Be ready for the new world order. I'm stepping, grabbing weapons for Armageddon. They cannot compute. Time to make the loot. I'm standing on the block with 5,000 troops with dreadlocks. Time to blow the spot. Ha, I tell you what, the situation's getting hot. Temperature starts to rise. You're in for a surprise. If you do not wake up, it's the black man's demise. We got to settle up and work together. Yo, pull the lever, be twice as clever. What's up with that? I think that we are trapped. They have us sipping on 40s on the corner selling cracks. Never, we gotta be clever than that. So keep on coming black with the lyrical format. Who is it? I grab these beats, I slaughter. I walk on land and I walk on water. Show everybody flew these beats. Supernatural's black, my stomach just beat. Make the party move with ugly smooth. Be it rockin' squats, slamming on the groove. While some choose to use of the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some try to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Rolling with the underground connection. Supernatural rocket squad. Coming for the next century, the next. C'était Assassin avec Underground Connection. Nous allons maintenant évoquer un monument. De tous les précurseurs du rap français, IAM est incontestablement le collectif le plus connu. Et son morceau le plus plébiscité, pardon, reste L'Empire du Côté Obscur, qui figure sur le mythique album L'École du Micro d'Argent, sorti en 97. Un morceau hommage dans lequel Shuriken et Akhenaton multiplient les références à Star Wars, aux Jedi et au côté obscur de la Force. Mais c'est aussi un morceau très engagé, dans lequel IAM dénonce un système. Celui dans lequel les gens qui ont fait de grandes écoles se font passer pour des gentils et stigmatisent les grands méchants des banlieues. Après un titre mythique de ce fils de Jafar, sale rejeton de Dark Vador, grand cador du maniement de Mike, j'adore, nous allons rester en 97 avec un autre album mémorable du rap français, Les Tentations de Passy et son Sang de la Vendetta. Et nous enchaînerons ensuite avec le poète du rap français.

larcin et signe de malchance. Les balances sont des caméras de surveillance. Fini les costards à la Marlon Brando. La démarche calque sur De Niro de l'accord studio. Heureusement que la santé fleurit à Fresnes. Qui rêve de politique pour être un gangster moderne. Gangster moderne, c'est juste ajouter quelques zéros. Gangster moderne. Jadis c'était Alfonso Capone et Nitti. Aujourd'hui les affranchis roulent en berline à Paris. Oui. Laisse dans ce business Elliot Ness et de mèche. Satan dirige la messe donc personne ne se confesse. Allez. Il a rêvé de fumer de la taille en toute impunité. Mais c'est que seuls les députés auront l'immunité. Que les plus grands gangsters font du marketing. Quand ils dansent des jeans en CDI dans un pressing. Ils rêvent action, gilet pare-balles, paranoïa. Sans même le 13e mois veut s'installer dans la familia pour reposer son père, retraité et plein de peine. Il veut faire de la politique pour être un gangster moderne. Les gangsters modernes sont les gens d'aujourd'hui. Ils font les lois, ils font les lois. Les gangsters modernes, c'est l'idéal dans les HLM. Le nouveau rêve, c'est un nouvel Éden. Un jour, il rencontre la femme de sa vie. Lui parle de Scarface et du cartel de Cali. Ce monde est tien, bien, c'est toi qui le fais. Mais de l'abstrait au concret, je veux pas être ta Florence Gray. Elle lui propose une balade loin des pluies acides. Cheval en Camargue, brasse et repos placide. Un gosse passe sur la bouche, il a du blé Lina. Ado sort son flingue et tire sur le parrain de la mafia. Le poster vole, puis tombe sur le sol. L'élu de haut vol est emporté par éole. J'ai l'esprit critique et lit la presse quotidienne. Constate que les politiques sont pleines de gangsters modernes. Gangsters modernes, c'est juste ajouter quelques zéros. Gangsters modernes. Est-ce que la réalité dépasse la fiction? C'est la fiction. Gangsters modernes. Parce que parfois les c'est juste ajouter quelques zéros. Quel poète ce Claude. C'était Gangster Moderne de MC Solar en 1997. Nous allons maintenant retraverser l'Atlantique pour nous rendre dans le petit lycée de Carlmont en Californie où l'ancienne Marine Luann Johnson, interprétée par Michelle Pfeiffer, a tenté de sauver ses esprits rebelles d'eux-mêmes. Ce film de John N. Smith a choisi le parti pris fort de mettre un morceau du rappeur Coolio comme thème principal, comme pour accentuer le mal-être de ces déshérités du film Esprit Rebelle. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont peu de chances de conduire Ma Benz comme l'éructait Joe Starr et son acolyte Lord Cossity en 98 dans le morceau Ma Benz, extrait de l'album culte Supreme NTM. Si NTM était au cœur du hip-hop parisien à cette époque, la tour de contrôle du rap marseillais était incontestablement Akhenaton, qui, en plus d'IAM, a collaboré avec de nombreux artistes et groupes comme la Funky Family. Des collaborations qui ont donné certains des plus grands tubes de l'histoire du rap français, comme « Je voulais » ou les fameux « Bad Boys de Marseille ». Akhenaton qui, dans le film « Comme un aimant », raconte le quotidien d'un quartier marseillais, celui du panier, entre débrouille et combine, entre rêve et fatalité de la misère sociale. Un quartier comme celui de Belzins, narré par Bouga dans son « Belzins Breakdown », B.O. culte d'un film sociétal injustement mésestimé. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise.